السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع كتابنا الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح. Donc la lumière, donc qui montre la voie des plus prédécesseurs dans l'éducation et dans l'Islah, donc le fait d'arranger les choses ou de parfaire les choses. La cinquième règle, القاعدة الخامسة, أنهم أول ما يدعون إلى التوحيد. فلا نجح أو فلا تنجح الدعوة ولا تصلح عبادة إلا به. Donc, يعني العلماء وأولا الأنبياء وبعد ذلك يعني الأئمة، أول ما يدعون الناس في الإسلام فهم يدعون إلى التوحيد. فما في الدعوة ناجحة بغير التوحيد، الدعوة بغير التوحيد ليست بالدعوة. الذي يدعو ولا يتكلم في دعوته إلى التوحيد فهو ما تكلم، كأنه ما تكلم في شيء، ولو قال وقال. يجب يعني على المسلم إذا كان داعيا أن يكون من دروسه التوحيد، من دروسه أن يدعو إلى التوحيد. Donc la première chose que font donc les gens les plus prédécesseurs, c'est d'appeler à l'unicité. Car la prêche ne va pas réussir, elle ne va pas s'arranger, elle ne va pas se parfaire sans cela. Et même aussi bien sûr l'adoration ne va pas se réussir sans tawhid. Faqala ta'ala huwa alladhi yubayyinu kayfa kana al-anbiya. Faqala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. فهذا قول جميع الأنبياء، وإنما ليس فقط قول فقط، وإنما قول وبيان، قول وإيضاح، يعني أقوال وإيضاح. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, chaque prophète ou chaque messager que nous avons envoyé avant toi, on lui a toujours insufflé de dire donc La ilaha illallah, La ilaha illa ana, sauf moi, donc adorez-moi donc. فَعْبُدُونِ يَنِي بِالتَّوْحِيدِ. Adorez-moi donc avec ce La ilaha illallah. الَّذِي يَفْحَمُ مَعْنَا La ilaha illallah مَعْنَا الْحَقِ هُوَ الَّذِي يعني يعبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، يعبد الله عز وجل كما ينبغي. فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. حتى هنا الله سبحانه وتعالى شرع لنا من الدين، يعني هو الذي جاب الطريقة الشرع. ما وصى أول نبي وهو نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفضل الأنبياء يعني إبراهيم موسى وعيسى، أن أقيموا الدين يعني الإسلام ولا يتفرقوا فيه. فالافتراق في الدين مذموم وليس ممدوح. فكبر على من؟ على المشركين، لأنهم يعبدون غير الله ويشركون الله عز وجل في عبادته. أما المسلم لا يقول لا إله إلا الله ويعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن الشرك جاء في مجال العبادة. يعني أكثر الشرك الذي وقع هو في توحيد العبادة. وما يعني أكثر إذا سألته في ربوبية الله عز وجل فهم يقبلونه فيقولون بأن الله عز وجل هو الخالق هو المدبر هو الرازق إلى آخره. أما في عبادتهم لا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فكبر عليهم لا يحبون يعني التوحيد ما تدعوهم إليه يعني من التوحيد. فالله عز وجل الذي يقرب من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يعني إليه يعني ومن ينيب يعني ومن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc Allah vous a légiféré ce qu'il a ordonné à Noé et ce qu'il t'a aussi donc aussi révélé et ce qu'il a ordonné à Ibrahim et à Moussa, à Isa. Donc de mettre en place la religion et de ne pas vous diviser dans cette religion. Yani fi al-tawhid, yani fi al-tawhid, yani ma fi farq bain al-tawhid al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bain al-tawhid Isa wa bain al-tawhid yani Noé. Ma fi farq wa innama al-furuq يعني هي في الشرائع. صلاتنا ليست كصلاة غيرنا يعني في وقت إبراهيم أو في وقت نوح أو في وقت موسى. فليس هناك يعني التفريق هناك بمعنى في التوحيد ما كان هناك يعني فرق بينهم. Donc l'unicité il a été appelé chez Noé ou chez Moussa ou chez Ibrahim ou chez Isa ou chez le prophète Mohammed de la même façon. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans l'associer. Et que c'est Allah Azza wa Jal qui donne et qui le reprend. Et de ne pas l'adorer, de ne pas invoquer autre que lui. Et bien sûr, on sait que dans les sharia, hein, donc dans la législation, la jurisprudence, il y a des différences. Ils n'avaient pas la même prière que nous. Ils n'ont pas le même jeûne que nous. Ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Il y a des règles qui sont différentes, il y a des règles qui sont pareilles, qui sont équivalentes. Ou bien des fois, il y a des nuances. Il y a des choses qui changent. Mais pourtant, l'unicité reste le même. Et de ne pas vous diviser donc par rapport à cela. Et cela est grand. Ça fait mal en vérité à qui? Aux associateurs, ceux que tu les appelles. Donc tu appelles les associateurs à l'unicité. Ils ne veulent pas de cela. Ils veulent rester dans leur shirk. Et Allah Azza wa Jal donc élit, choisit et rapproche qui il veut. Et aussi, il guide qui il veut. Donc il va guider aussi vers lui ceux qui vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont faire tauba. Et ceux qui vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala لبيان يعني خطر الشرك فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا يعني ولو كان هكذا المسلمين ولو المسلمون أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يعني يحبط الأعمال. والشرك يكون في القلب يكون في اللسان وفي الأعمال. يعني فواحد ينتبه إلى الشرك ووسائل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشرك وضح الشرك ووضح وسائل الشرك. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit si ils associaient ce qu'ils feraient aurait été vain. Donc ce qu'ils auraient fait aurait été caduc, disparu. فواحد ينتبه qu'ils se disent je ne veux pas perdre donc mes œuvres à cause d'un acte, à cause de paroles, à cause de quoi? À cause d'une mauvaise croyance. Donc la personne elle doit faire attention à ça. Donc c'est une preuve que si c'est ça qui annule, on doit en vérité faire attention à ça plus que les autres choses, parce que c'est la chose la plus grave. Tu peux sortir tu sors de l'islam mais tu t'en avais pas rendu compte dans ce shirk. فقال عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك في هذه الآية قال لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم فكيف بنا قال لئن أشركت لا يحبطن عملك يعني ولا تكونن من الخاسرين. لا إن أشركت si toi tu aurais fait donc un acte de polythéisme ton acte aurait été vain. فقال هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره. Alors que dire de nous, hein? Et tu ferais certainement partie des perdants, parmi des perdants. وقاله يعني أولئك الذي هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. فالله سبحانه وتعالى montre l'exemple, hein, يبين هناك يعني هدى الأنبياء هدى محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذي هدى الله. الله عز وجل هدى الأنبياء هداهم إلى صراط المستقيم فبهداهم اقتده. Donc de leur guider prend exemple. في كل شيء وأولا في الاعتقاد أولا فيما يقر يستقر في القلب لأن الأعمال والأقوال هي التي تخرج من القلب، تخرج مما فيك في قلبك، يعني في قلبك. Donc ici, prends leur exemple. Dans quoi? Et on va commencer bien sûr par justement la croyance, parce que c'est ta croyance qui va donc en vérité gérer tes œuvres et gérer aussi tes paroles. Donc purifie et en vérité arrange ton cœur avec ce monothéisme, avec cette unicité, afin de pouvoir en vérité avoir ce qui sera bon à côté. Il dit Qul, dis, je ne vous demande pas de récompense. Il dit Amaluhu lillah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah la récompense. Ce n'est qu'un rappel. C'est qu'un rappel pour les mondes. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن فأرسل يعني من أفضل الصحابة معاذ إلى اليمن حتى يدعو الناس. من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرسل العلماء من الصحابة، يرسل يعني من أقوى الناس يعني دعوة. البروفيت صلى الله عليه وسلم envoyé donc parmi les savants les plus érudits parmi les compagnons, des gens qui ont de la science. فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. قوما أهل الكتاب. Donc on va t'envoyer chez un peuple des gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول شيء إذا الشخص يبدأ بذلك فهذه الطريقة، فليس هناك طريقة أخرى. هل تقول له أنا أدعوك إلى الصيام أولا؟ لا. أو إلى الحج أولا؟ لا، تدعوهم إلى معرفة الله عز وجل، يعرف ما معنى الله عز وجل. ثم لما فهم ذلك يعني تبدأ وتعلمه كيف يصلي، وتعلمه يعني ما يجب عليه من الواجبات. ثم donc en réalité, comme on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé donc parmi les meilleurs compagnons, il dit la première chose, faliyakun, donc il ordonne ici, sache que la première chose que tu vas appeler, la première chose que tu vas faire, c'est lorsque tu vas les prêcher, c'est de les prêcher à quoi? À la ilaha illallah, la ilaha illallah, yani la ma'bud bihaq illallah, fa yukfar, hein, ما يعبد من دون الله عز وجل فهو سيكفر ما يعبد من دون الله عز وجل. Donc la personne devra renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah عز وجل et sache que son adoration n'est que pour Allah. انتهى الأولياء انتهى يعني التلاسم وانتهى الأوثان. Tout ça c'est terminé, il y a plus de statues, il y a plus d'alliés, il y aura plus d'élus, il y aura plus de saints, il y aura plus de superstitions, il y aura plus de tout ça. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadith ma'ruf wa mawjoud fi al-Bukhari wa Muslim. Wa kama bada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da'watahu bit-tawhid faqad khatamaha bit-tawhid aidan hatta fi akhir hayatihi khatama biha. Fa'an Aisha radhiyallahu anha lama nuzila bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajhihi fa idha يختم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله اليهود والنصارى. هذا في آخر كلامه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من أواخر كلامه البروفيت صلى الله عليه وسلم. Donc à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit ici lorsqu'on donc le prophète صلى الله عليه وسلم, donc il jette donc un de ses habits, Al-Khamisa, donc c'est un Kissa Aswad, et qui avait donc des signes ou des dessins. Donc il jette. Puis après, donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs envoyés, donc lieu de prière, ou bien lieu d'adoration, il y a un message, dit lieu d'adoration. Fa'ada yuhadhiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bimma sana'u. فيريد أن يخبر أمته لا تفعلون كما فعل اليهود والنصارى. Ne faites pas vous les musulmans ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens avant nous. Lorsque leurs envoyés sont morts, et lui c'est un envoyé, il va mourir. Il le sait, son heure est proche. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son heure est proche. Et il ne veut pas que les gens, ils font. C'est en vérité une grande recommandation, un grand héritage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, juste avant sa mort, de prévenir aux musulmans, restez au tawhid et ne faites pas cela comme les autres. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de prière ou lieu d'adoration. Vous allez côté de ma tombe, vous demandez à Allah. كما يفعل الجهال من المسلمين وهذا موجود في الحج البعض يفعلون هكذا والحمد لله الدورة المباركة السعودية تطردهم وتمنعهم لذلك. Les gens ils le font, ils viennent. C'est des djuhal, لا يعرفون الدين. وكثير منهم لا يعرفون اللغة العربية. فما فهموا الدين. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas la langue arabe déjà. De ceux qui viennent faire justement adorer, demander devant la tombe du prophète, ça se lève la main. Ils se retournent, ils font dou à la Qibla elle est là-bas. Ils font dou à la Qibla et ils demandent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ce pays-là, donc interdit cela, il y a des gens qui sont là pour repousser ça. Wa kana al-haram. La yajuz. Is'al Allah azza wa jalla, la tas'al an-nas, kayf tas'al an-nas? Fa idha sa'alta fas'alillah. Si tu demandes, tu demandes à Allah, mais la tas'al an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa la yu'tik wa la shay. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme, il ne va rien te donner. لا ينفع ولا يضر وإنما اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفعك. Mais simplement ton suivi dans ton vivant de quoi, de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم qui va te sera profitable. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأين ما تستطيع أن تأتي بآية التي تدل على ذلك. Tu pourras jamais ramener ne serait un verset qui va prouver que tu as le droit de faire le faire. Et si cette adoration a été connue, il aurait été obligé d'avoir un verset, un dalil. Ça serait une ibadah ardima, jamais Allah lui aurait laissé. Parce que le dua, c'est afdal al-ibadah. Parce que le dua, c'est justement parmi la, c'est la meilleure adoration, la plus intelligente, celle qui ramène le plus de hasanat. Et puis Allah, il va omettre de dire de ça, jamais. Et même un hadith, même pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va montrer cela. وحتى آثر الصحابة même pas une parole d'un compagnon ولا أي إمام من الأئمة لأنها غير موجود في الإسلام. Pourquoi? C'est une preuve parce que ça n'est pas l'islam. Ni un verset, ni un hadith, ni une parole de compagnon, ni une parole des successeurs du compagnon, et aucun imam de l'islam n'a parlé ça. Donc ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que le musulman il doit faire en vérité attention à ces choses là. ولولا ذلك لا أبرز قبله. Et si c'était comme ça que c'était permis, on aurait, rien que sa tombe, elle aurait été comment? Elle aurait été montrée et elle aurait été surélevée. وَحَتَّى إِبْرَازَ الْقُبُورِ يَنِي حَرَامٍ. Le fait de mettre enfin, dans les tombes, hein, de mettre du marbre, de les élever, d'écrire dessus, de faire cela, c'est interdit en islam. لِأَنَّهُ وَمَيِّتْ وَدَخَلَ فِي قَبْلِهِ مَعَ عَمَلِهِ. Il est mort, il est rentré dans sa tombe avec ses actes, il n'est pas rentré dans sa tombe avec autre chose. وَكَذَلِكَ إِضَاعَةُ الْمَالِ. C'est aussi de l'argent qui dilapidé pour rien, il est mort. Des milliers d'euros pour faire beau. Et c'est pas parce qu'il y a plus de fleurs ou il y a plus de marbre que ça veut dire que tu l'aimes plus. فماذا فعل هو في حياته هو الذي المهم. هذا هو المهم. وليس ما يعني بعد الموت وممكن ما فعل شيء والقبر هكذا. جميل. Soit disant c'est beau, c'est marbré, c'est écrit, on met des fleurs, on met ceci. هذا لا يسوي شيء. Ça ne vaut rien. بل العكس. C'est le contraire, c'est des péchés, et en réalité, c'est pas des hasanat. C'est ces actes qui vont en vérité lui être profitables avec lui dans sa tombe. Suis le mort trois choses, et quoi? Et repart deux choses. Yatba'ahu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Le suit donc sa famille, ses actes et ses biens. عمله ممكن يعني ممكن عنده شريكة يعني ممكن عنده يعني عمال. Il a peut-être une entreprise, il y a peut-être donc des ouvriers. Ces ouvriers sont venus aussi à l'enterrement. C'est pour ça qu'on dit ses biens. Donc tous les gens qui sont en relation avec eux par rapport à ses biens. ويرجع اثنان. Il repart deux. لما دفن ذهب الناس. Une fois qu'il est enterré, les gens ils partent. On reste pas comme ça des heures autour de la tombe. Ça y est, on fait demi-tour. On sort de ce cimetière. وَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَيَنِي مَالُهُ مَنْ يَبْقَ عِنْدَهُ مَدَى يَبْقَ يَبْقَ عَمَلُهُ. Il reste donc son acte, ses actes. وَيَسَهُ نَكَنَيْشِ أَخَرَ. Il n'y a pas autre chose. غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم donc il a eu peur que quoi? Quand justement qu'on prenne cet endroit, c'est-à-dire sa tombe, de quoi? De lieu où on va l'adorer. Masjid, on va l'adorer. بمعنى الناس بدل ان يطلبوا الله عز وجل يطلبوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من موانع. كم من الناس يعني ماتوا وعندهم قبة يعني في هيران و و و en Iran ou ailleurs. N'importe qui meurt, c'est devenu maintenant donc il meurt et les gens ils font presque un hajj, ils vont presque faire un pèlerinage sur la tombe d'un tel. Un tel il va te servir à rien du tout. حرام. وهذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. بمعنى الأنبياء يعني إخوة من علات. وبين الإنسان إذا قلت مثلا هذا أخي من علات بمعنى يعني أبوه وأبي يعني شخص واحد وأما أمهاتنا يعني مختلفة. ممكن أبي ممكن له يعني عدة يعني زوجة. C'est mon demi-frère يعني. C'est comme ça veut dire. Ça veut dire que on a le même père mais on n'a pas la même mère. إخوة من علات. يعني أخي من الأب. C'est mon frère par rapport au père. Comme quoi que mon père, مثلا, il aurait eu plusieurs femmes par exemple. Deux femmes, مثلا, hein, où il serait marié deux fois. Et il m'a eu moi d'une mère et il aurait quelqu'un d'autre d'une autre femme. Donc ça, إخوة من علات en arabe. Donc, وأمهاتهم شتى. Et leurs mères sont différentes. ودينهم واحد. On comprend quoi? الأنبياء. بمعنى يعني التوحيد واحد والشريعة يعني تختلف. Ça veut dire qu'en vérité, l'unicité, le fait de parler d'Allah, ça ne change pas parce qu'Allah, donc, il y a 5000 ans où Allah, maintenant, c'est la même chose. Donc, c'est toujours Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ses noms, avec ses attributs, hein, il a un khilihi. Donc, c'est pour ça que ça veut dire ça. Il y a ni dinuhum wahid, bima'na tawhiduhum wahid. Leur religion, c'est la même chose. Fasamma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-tawhid huna al-din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ici l'unicité, là, quoi? Hein, ce monothéisme, il appelait din, la religion. Vous comprenez? Parce que la religion, c'est tawhid. On ne peut pas passer à côté. Celui qui passe à côté, il passe à côté de tout. Et ummahatuhum shatta, yani shara'i' takhtalif. Bas, shari'at Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hiya afdalu shari'a. Yani salatuna afdal min salati allati kanat tusalla, yani fi waqti al-anbiya al-akharin. Notre prière, elle a été affinée, elle est meilleure, hein? Elle est plus profonde, elle est meilleure que les prières qui ont été priées dans les autres générations, dans les autres peuples, c'est-à-dire avec les autres envoyés. Et ainsi de suite avec toutes les adorations. Fa'Allah Azza wa Jalla kam maladdin bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Al-yum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Akmaltu lakum dinakum, din kamil. أما ما كان كاملا يعني في أوقات يعني كما كان كاملا في هذا الوقت. لذلك يأتون أنبياء آخرين. ولكن كان كافيا لهم كاملا في وقتهم. وليس كامل يعني كما كان في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Il était complet à leur époque. Pour eux, c'est pas un problème. Mais il n'est pas complet exactement de la même façon que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم par exemple maintenant. Parce qu'il a rendu caduc ce qui est venu auparavant. يعني قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والمخالف في ذلك أنواع فأشدهم مخالفة يعني من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقاده دينا وأنكر التوحيد واعتقاده باطلا. Donc on voit qu'il y a plusieurs catégories de gens, il dit مخالف في ذلك. Celui qui va être en contradiction avec cela, il y a plusieurs catégories de personnes par rapport à la contradiction. Et celui qui a la contradiction la plus forte, la plus grave, c'est celui qui a été en contradiction surtout du côté du polythéisme. Il considère que le polythéisme c'est du din. Il considère que le tawhid est vain. Et ce n'est pas de la religion. ومن الناس من عبد الله وحده. Il y a des gens qui vont adorer Allah Azza wa Jalla seul. ولم ينكر الشرك. Il ne veut pas parler du shirk. Il écoute. فهو ضعيف. Hein? Walam yu'adi ahlahu. Il n'est pas en contradiction avec cela. Il ne leur dit rien. Il leur fait, dans le sens qu'on dit, il n'est pas en animosité avec eux. لأن لا يخبرهم لا يمكن عليهم وهذا حرام لا يجوز نقص شيئا في دينه هو ولو عبد الله عز وجل. Il adore Allah عز وجل seul. Il ne va pas l'associer dans ça. Mais malgré ça, il a un manque de sa religion, c'est qu'il ne va pas renier et repousser et être contre et prévenir contre le polythéisme. Et il n'est pas aussi en animosité, hein, avec ceux qui sont justement polythéistes. Il ne leur dit rien. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحِبَ التَّوْحِدْ وَلَمْ يُبْغِدْهُ. Il y a des gens qui n'aiment pas spécialement le tawhid, l'unicité, mais non plus ne le détestent pas. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الشِّرْكْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يُنْفِهِ. Donc il y a des gens qui مَا عِدَهُ عِلْمْ فَمَا يَعْرِفْ مَعْنَا الشِّرْكْ وَلَمْ يُنْكِرْ. Puisqu'il ne connaît pas shirk, celui-là, donc il ne va pas détester shirk, et il ne va pas aussi réprimander le shirk, et il ne va pas aussi le repousser, le renier. Comme celui qui t'ouvre avant, donc il ne va pas ni aimer le tawhid, ni il va le détester. Il montre des catégories de personnes qui existent. Wa minhum man lam ya'rif at-tawhid wa lam yunkirhu. Il y a des gens qui ne connaissent pas le tawhid, mais ils ne vont pas renier le tawhid. Ils ne vont pas être contre ce tawhid. Wa minhum man huwa ashaddu al-anwa' khataran. من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ومن يكفره hein? ولم يكفرهم. Donc ceux qui sont pires pour eux, c'est ceux qui connaissent le tawhid et qui ne connaissent pas en vérité la valeur du tawhid, et qui ne détestent pas celui qui délaisse ce tawhid et qui ne va pas aussi donc rendre mécréant celui qui doit être mécréant parmi les gens du shirk, alors qu'il serait soi-disant donc musulman ou quoi. Et il ne va pas en vérité donc rendre mécréants ces gens-là. Mathalan. Wa minhum man taraka ash-shirk wa kariha wa lam ya'rif qadarahu. Donc il y a des gens qui vont délaisser le shirk, le détester, et ils ne vont pas aussi donc en vérité, ils ne connaissent pas en vérité donc que c'est-à-dire son danger. Wa alam anna at-tawhid wa ittiba' al-hawa yani mutaddan aw mutaddadan fa inna al-hawa sanam. ولكل عبد صنم في قلبي في قلبي بحسب هواه. Donc il dit اعلم ان التوحيد واتباع الهوى يعني ضد يعني ضدان. Sache que le tawhid et le suivi des passions sont deux contraires, deux éléments qui se rencontrent, qui sont contraires. Al tawhid yani عكسه اتباع الهوى, c'est le fait de suivre donc en vérité donc le, dans ça ce sont deux contraires, ils vont être donc ce sont les contraires. Car Al-Hawa, la passion, c'est un sanam, c'est en vérité donc, comme on dit d'une statue, c'est un sanam, donc les statuettes ou autres. Sanam dans le sens où c'est quelque chose qui serait peut-être en dehors d'Allah. Parce que tu adores des fois tes passions, donc tu peux arriver à être soumis par tes passions. Et chaque serviteur a donc son sanam dans son cœur, selon en vérité ses passions. Wa innama ba'atha Allah rasulahu, a rasulahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour casser donc ces passions là, ces statues là, hein, pour l'adorer seul sans associer. وليس مراد الله عز وجل سبحانه كسر الأصنام يعني المجسدة وترك الأصنام التي في القلب بمعنى ليس فقط يعني نكسر يعني الأصنام هناك وحتى الأصنام التي وقعت في قلوبنا. Donc c'est pas juste le fait de casser les statues en apparence, mais c'est aussi casser les statues qu'il y a dans notre cœur, bimana, de repousser en vérité, hein, ibad al-ahwa allati fi qulub an-nas. Donc le fait de repousser en vérité, donc justement ce qu'il y a dans les cœurs, hein. Bal al-murad yani qasruha min al-qalbi awwalan. La première chose à faire, c'est de nettoyer en vérité, de casser ce qu'il y a dans le cœur en premier. Al-muhimma fi qalbik. Hein, tatrud كل هذه التشوهات وهذه الأشياء الأفكار الهدامة هذه ces mauvaises pensées et toutes ces tout en vérité ces passions et ces mauvaises croyances, tu les nettoies d'abord dans le cœur. لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. فواحد يعني ينفي من قلبه يعني الأوساخ هذه. Hein, il repousse en vérité ces saletés qui sont celles du shirk et des wasail le shirk et de tout ce qui va ramener au shirk. فتأمل قول الخليل عليه السلام، انظروا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما هذه التماثل التي أنتم لها عاكفون؟ Donc Ibrahim il dit alayhi salam, qu'est-ce que sont donc que sont en vérité ces statues? Là où vous vous asseyez longtemps auprès de ces statues, vous êtes assis, vous êtes en train d'adorer donc auprès de ces statues. Akifun, rukuf, yani l'i'tikaf, bimana al-julus fi makan mu'ayyan fi al-masajid min waqt al-kada ila kada, un certain moment. Hada huwa al-rukuf, rukuf yani tajlis mudda mu'ayyana lil-ibada. Donc s'ils sont assis pour adorer à un moment précis. Donc à un moment, ils sont assis, ils prennent leur temps devant ces statuettes. Kayfa tajiduhu mutabiqan littamathil allati yahwiha ou yahwaha al-qalb wa yaqifu 'alayha wa ya'buduha min dunillah. Wa qala ta'ala araita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun innahum illa kal an'am. Alors tu vois, donc ici, par rapport justement au temathil, hein, c'est-à-dire en vérité ce que le cœur en vérité amène comme passion, et on voit donc le cœur aime cela, et que ces gens-là s'assient auprès de ces statues-là, ils les adorent en dehors d'Allah Azzawajal. Enfin, Allah Azzawajal dit, vois-tu celui qui prend sa divinité comme passion, hein, sa passion c'est lui son Dieu. Il suit en vérité sa passion. Donc il se laisse aller par tout ce qu'il aime, sans réfléchir est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. Il suit ses passions. Donc lui en vérité c'est comme si sa passion c'était donc sa divinité. Est-ce que toi tu es en vérité donc tu vas être garant de celui-là? Est-ce que tu es en vérité donc garant de cette personne-là? Et crois-tu que la majorité d'entre eux ils écoutent ou ils réfléchissent, ils raisonnent? Mais en vérité, ils sont comme des animaux, et ils sont même pires encore. Parce que l'animal, il a été créé pour cela. Donc c'est lui, il ne fait que ce que Allah lui a demandé de faire. Tandis que l'autre, non, il a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Et pourtant, il ne le fait pas. Ou il suit ses passions. Wa amma al-ubudiya al-mutlaqa, fala yu'raf, yani ya'rifu sahibuha, yu'raf sahibuha bi ism mu'ayyan min ma'ani asma'iha. فإنه مجيب لدعيها على اختلاف أنواعها فله مع كل أهل عبوديته نصيب يضرب معهم يعني بالسهم فلا يقتد يعني يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا يعني بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي بل إن سئل عن شيخه قال رسول صلى الله عليه وسلم وعن طريقته قال اتباع وعن يعني خلقته قال لباس التقوى وعن مذهبه قال تحكم السنة وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه وعن إرباطه وعن خف يعني خنقه يعني قال يعني في بيوت أذن الله أن ترفع وتذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه يعني فإذا افتخروا بقيس أو تميم وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها ومعها يعني حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر يعني هناك بمعنى إذا سألته ويقول أنا مسلم يعني بمعنى العام يعني. Donc ici en vérité, lorsque tu vois ces gens-là, ils se disent musulmans. Donc ils ont pas, il va pas se dire ah non moi je suis un musulman mouchrik. Il va pas dire ça. Il va pas dire moi je suis un musulman qui là. Il va te dire un muslim khalas bi sifa amma. C'est comme ça. Donc si tu lui posais des questions maintenant, de façon générale, tu lui dis man sheikhouk el akbar. C'est qui ton sheikh? Il va dire Rasoul. Il va dire moi je suis le prophète. C'est lui mon prophète. Il accepte comme quoi Rasoul c'est lui le prophète. Mohammed c'est lui son sheikh. Tu lui dis c'est quoi ton suivi? Comment tu fais? Il va dire moi Tiba, je suis le prophète. Wallahu kana yaminaj mushrikin wallahu kana yatuf yani ala qubur. Même si tourne autour des tombes, alors qu'il se dit musulman, il va te dire Rasoul. Il va dire c'est l'Tiba. Tu dis donc en vérité, de quoi tu t'abreuves yani de façon générale, il va dire ou bien de quoi tu t'habilles? Il va dire mon habit c'est la crainte, libas c'est taqwa. Il va dire ça. Wa madhhabuhu, ta façon de faire, il va dire tahkim as-sunnah. Il va dire, bien sûr, ma façon, c'est-à-dire moi, pour moi, la vraie voie, c'est de la sunna du prophète. Il va dire ça. Et tu vas dire, et c'est quoi ta niya? C'est quoi ton intention? Il va dire, niyati, lillah azza wa jalla. Il va dire, ma niya, c'est pour Allah azza wa jalla. Hein? Il va dire ça. Il va dire en vérité, donc, et montre-moi cela, mathan. Hein? Donc ici, il va montrer mathan quand tu vas lui parler de. C'est une façon de parler dans le sens, il. Quels sont les endroits que tu aimes? Il va dire le masajid. Il va dire les mosquées. Bah, anna le masajid à l'illah. C'est pour ça qu'Allah dit bien. Donc, dans des maisons, fi buyutin, dans des maisons où Allah aïd Allah, yani an turfa'a wa yuthkara fi husmuhu. Wa hum yad'oun ghir Allah azza wa jalla fi masajid. Ya ibn Fulan, ya Fulan, Sayyid Fulan, wa ulida mathalan 1200. ومات 1250 وولد متى ومات مات ماذا رجل من الرجال فقط فأصبحهم يدعونه هو وترك الله عز وجل يدعون فلان لأنه دفن في الحي الذي يسكن فيه أو قريب من مدينته. Ils vont invoquer un tel qui est mort dans sa région, dans son quartier, dans sa tribu. Même قال هكذا هذا جاء من الإسلام لا. Il est né 2200 ans après ça. Et Allah a interdit ça dans le Coran. Énormément d'interdictions. Énormément, كثير جدا. Il n'y a que ça dans le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran, ne méditez pas en vérité sur le livre d'Allah Azza wa Jal. Moktoub, wadih jidda, pourtant c'est clair. C'est écrit comme quoi que c'est interdit les shirk et pourtant les gens le font normal. Comme si c'est rien passé, comme si c'est pas écrit. Et il y a toutes les preuves que c'est interdit et il n'y a aucune preuve que c'est halal et malgré ça, les gens ils le font. Il y a un. C'est énorme la différence qu'il y a. Je veux dire par rapport au fait qu'il y a énormément de dalil que c'est interdit. Il n'y a aucun délit que c'est halal et pourtant les gens le font normal. Donc ça c'est des maisons où on doit adorer Allah Azza, on doit élever la voix d'Allah Azza et adorer Allah Azza et de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le matin et le soir. Hein? Il y a des hommes. On a c'est venu pour les compagnons du prophète. Comme quoi nul négoce, nul commerce ne les distrait de quoi du rappel d'Allah. Un zikrillah. وليس عن ذكر فلان الذي يسكن في مدينتك. Et c'est pas un tel qui habite dans ta ville. C'est pas un tel qui habite dans telle ville ou dans telle ville. C'est pas vrai. Non. Et si vous réfléchissez, même pas sur les compagnons, les gens ils le font. De façon générale. Ils vont demander où est Foulen. Taïb, il y a mieux que lui. Les compagnons, pour toi, il n'y a personne qui a dit il habite où Abou Bakr Siddiq? Elle est où la tombe de Omar? Elle est où la tombe de Khadija? Elle est où la tombe de Foulen? On va le demander. Pourtant, ils ne font pas ça. Foulen qui habite près de chez moi. Allah t'a choisi toi, il a mis quelqu'un chez toi, justement, pour que tu sois tout de suite au paradis. Kam min an-nas fi hadhihi al-amakin la yusallun. Wa idha nadharta ila inni fi ba'd al-amakin min an-nas alladhina kathir minhum mathalan la ya'budun Allah 'azza wa jalla kama yanbaghi li'annahum yaqulun ikhlasan 'indana fulan hay. Namshi ba'd al-ahyan nasba 'indahu wa natruk ba'd al-amwal ikhlas yani nahnu on est protégé. Dakhana al-jannah. Fataraku ad-din لأجل هذا comme les gens justement le fait qu'il y a un wali chez eux ils se sentent bien ils ne vont même pas prier ils ont tout délaissé je vais de temps en temps égorger chez lui je vais de temps en temps poser un peu d'argent ça y est je suis protégé et comme si donc ils ont on dirait que c'est un peuple élu on leur demande deux trois trucs et c'est bon ils sont protégés min ayna hada limada hada ma shuri'a law kana hada min afdal al a'mal aw min kada hiya min hada hada min al a'mal limada lam tuktab la fi al quran hein wa la fi as sunna pourquoi c'est pas écrit dans le coran de la sunna. Les gens devraient réfléchir en vérité et méditer. Donc, cela. Après, il dit bien, donc, mon habit, mon père, donc ça c'est par rapport à une. Et si on lui dit d'où tu viens, ton ASM, il va dire mon père c'est l'islam, et je n'ai pas d'autre père. C'est-à-dire que ma religion c'est l'islam, mais je n'ai pas d'autre religion. Hein? Alors, il daftarahu yan birkes au tamim. Lorsqu'en vérité, il soit en train de se vanter de faire partie de telle ou de telle tribu. Et. Aussi, toujours par rapport à ça, donc le. Par rapport à son observatif pour montrer à Haola, Yazanon annahum, Yahsabun annahum yusilun as-sunna. C'est qu'en réalité, les gens ils pensent qu'ils font du bien. Zanna anna ulida hakada. Mokin huwa ulida fi mantiqa hakada moujoud. Yani échec. Fahawa ashraka mahum. Taba'annas. Il vit peut-être dans une région où les gens ils le font. Donc lui, il croit que ça fait partie de la religion. Personne ne lui explique que c'est faux. Donc il le fait avec eux. Adadan hakada. Souvent, c'est généralement c'est ça. Tu ne vas pas trouver au milieu d'un endroit où les gens ils sont dans le tawhid un qui a décidé de faire le shirk tout seul. Généralement, tu ne trouves pas ça. Tu vas trouver dans les pays ou dans les endroits où yani da'wa la tawhid qawiya wa muharabat ash-shirk yani qawiya, ma tajid shakhs yani khalas ana je sors de tout seul, c'est là que tu vas pas trouver ça des gens qui vont dire moi j'ai décidé de faire du shirk, généralement parce que les gens ils vont profiter. Fa wahid yarji'u ila al-ulama kayfa kan fa kayfa fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-majal, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait dans ce domaine fi majal at-tawhid wa fi majal muharabat ash-shirk. Himayat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est accroché au tawhid et comment sallallahu alayhi wa sallam aussi il a combattu le shirk. Ça c'est trop important. Wa man antahi ila akhlaq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqat, et on ne s'arrête pas juste au bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les prendre, on en a tellement besoin, mais on ne s'arrête pas à ça, on s'arrête aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il était, donc aussi avec Allah azza wa jalla, les relations avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son seigneur subhanahu wa ta'ala, trop important. فهو دعاهم الى التوحيد من اول بدا الى موته صلى الله عليه وسلم وما جاء احد منهم من الصحابه قد اكثرت علينا الى continuer comme ça. Il n'a jamais dit à qui que ce soit d'entre eux, jamais un compagnon ne s'est permis de dire au prophète tu as trop dit, tu nous parles tout le temps de tawhid. Au contraire, yashrabun hada lan hada yuqawihim fi imanihim wa yazidhum sila wa imanan. En fait, il les rapproche, donc il non seulement sila billah azza wa jal, hein, wa rabt billah azza wa jal. Au contraire, les compagnons, ils boivent et ils acceptent ça, ils mangent ce tawhid. Le prophète, il parle, ils prennent, ils aiment bien, parce que ça les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid, c'est parler d'Allah tout simplement. Asma'uhu, sifatuhu, yani ibadatullah azza wa jal, wa af'alullah azza wa jal. D'adorer Allah. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal a fait? Tout ce qu'il nous a donné comme ni'ma. Tout ce qu'il nous a donné comme ni'ma. Si on voyait rien qu'un nom parmi les noms d'Allah, déjà ça nous fait énormément plaisir quand on fait un charh. Bas al-Wahhab. Rien que si on entendait un nom d'Allah Azza wa Jalla dans le Tawhid, si on expliquait ce que c'est al-Wahhab, déjà on est déjà étonné. Et dans quoi Allah subhanahu wa ta'ala, et dans quel verset Allah Azza wa Jalla, il met al-Wahhab par exemple. Al-Wahhab, celui qui a donné, qui octroie. Il les donne dans les choses qu'on préfère. On voit le Wahhab par rapport à l'enfant. Hein? On voit le wahhab justement par rapport à tout ce qu'on préfère dans la vie d'ici-bas. Allah y a mis le wahhab, c'est un exemple. Regardez comment, où Allah a choisi ce mot-là. Dans les choses justement qui nous plaisent le plus. Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est juste un nom. On pourra en expliquer d'autres. Et encore là, je l'ai dit vraiment de façon succincte si on rentre dans les détails. Donc ça serait bien plus long ça. Et Cheikh al-Fawzan par rapport à ça, il dit, donc, Hafdhullah Azza wa Jal. Wa Cheikh al-Fawzan yani min ulama al-Islam. معروفون يعني بإسلامه كبير سن يمكن 70 سنة أو فوق وهو يعني من علماء هذه الأمة من كبار العلماء وهذه القاعدة أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل لا شك أنهم يبدأون بالأهم فالأهم. Donc c'est une règle, il y a قاعده, c'est une règle obligatoire que la première chose que les gens, lorsqu'ils parlent aux gens d'islam, c'est de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'ouni l'Allah azza wa jal, yani at-tawhid. Wa yabda'un bil aham, fal aham. On commence par les choses les plus importantes, et ainsi de suite. Dès que tu veux commencer l'islam, tu dois connaître ce qui est plus important pour toi, ce qui est plus obligatoire pour toi. Hein? Wa yabda'una bid da'wati ila at-tawhid. Il commence par la prêche à l'unicité, yani ila islah al-aqida. Bimana, en vérité, donc arranger et perfectionner, parfaire, donc quoi, l'aqida. Donc si on a des problèmes avec l'aqida, mungkin on a des problèmes de superstition, hein, on a des problèmes de ceci. Combien d'entre nous peut-être on a eu ça avant de commencer, on en a tellement été rempli, hein, ne serait-ce que dans les quartiers, si un chat noir y passe, c'est le chiffre 13, combien ils sont peut-être tombés dans le piège, combien sont tombés dans le piège, comme quoi, comme a fait un site, chat il passe à la droite au lieu de la gauche, ou d'autres, combien de gens ont été tombés dans le piège, ou des choses qu'ils ont entendues de leurs parents dans la maison. Hein? Ne fais pas ça la nuit, ne te regarde pas dans une vitre la nuit. Ces choses-là, il faut les enlever s'ils étaient entrés dans ton cœur au départ. Tu les laisses pas comme ça. Tu les effaces avec le tawhid. Avec justement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas les enlever pour le remplacer par quelque chose qui est bien. Par justement quelque chose qui est bien. Donc quand tu vas connaître Allah, tu vas bien mieux comprendre ces choses-là. Et tu vas bien sûr, petit à petit, tu vas les enlever. لأن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه صحة بقية الأعمال. Car التوحيد c'est la base à partir تنبني عليه صحة يعني بقية الأعمال. Parce que si le tawhid il est bon, le reste il sera bon, inshallah azza wa jalla. Pour que le reste soit bon, il faut que le tawhid il est bon. Amma idha kana shakhs yani yushrik billah azza wa jal walo yani salla wa sam wa tasaddaq wa kana la tasaddaq lillah azza wa jal yafhi yani hada li ma adri riyaan wa hada wa hada wa hada fa amaluhu yani dhahab dhahib. Et on a vu ça auparavant, on a vu le verset la yahbatanna ala amaluk yani la in ashrakta. Allah il dit ça au prophète, si réellement tu aurais commis un acte de polythéisme, ton acte serait vain, il va être effacé, il va être annulé, il ne sert à rien. Ta'abta yani nafsak, c'est dû de fatigue. Zahir amal lakin laysa bi amal amam Allah azza wa jal. A priori c'est un acte, mais en vérité auprès d'Allah c'est pas un acte. Là il est effacé. Tab, il donne tab. Tu t'es fatigué pour rien. Il donne arrange, protège ton cœur, arrange ton cœur de ces saletés là du shirk pour justement que tes œuvres soient bien. Wa min al muqtarad aw al mutaqarrid afwan fi al uqul wal fitr an kull bana'in yubda'u bi asasihi wa yataqin yani na'am yataqin asasuhu awwalan. Donc ici ça c'est connu, ayu shakhs ya'rifu dhalika, chaque personne sait. Donc chaque raisonnement et chaque raison saine, c'est qu'en vérité que kulushi kulubina aniyabda bi asas, toute fondation ou plutôt toute bâtisse commence par des bases. Bi aisha tabda lamma tulida tabni bayt, par quoi tu commences lorsque tu as décidé de construire une maison? Tu vas commencer par les fondations. Nafs shefid din, la même chose pour la religion, tu commences par les fondations. Wa binahu at tawhid, pour te raffermir, pour te protéger justement de ce qui irait mauvais, de ce qui sera mauvais. ثم يقام عليه البناء, et après on va construire dessus. Et ça, ça veut dire que tu vas commencer par te consolider dans ton dogme, dans ta croyance, hein, qui est le tawhid, pour justement avoir donc des œuvres qui seront bien, qui seront en vérité fermes et qui seront sûres, parce que tu as une bonne croyance, une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. وهو هذا الشيء متقرن في العقول, chaque personne accepte cela, chaque raisonnement est donc connu. En fait, donc ça c'est quoi, c'est raffermi dans les raisonnements. كما هو الوارد في الشرع, comme il est demandé dans la charia. فكان الرسول عليهم الصلاة والسلام اول ما يبداون اهمهم يعني اممهم يدعونهم الى التوحيد. Tous les prophètes, on l'a bien vu le verset auparavant, à chaque fois qu'ils ont appelé les gens, ils ont toujours commencé par l'unicité. جميعهم, donc ils l'ont tous fait, bi ikhtilaf awqatihim wa bi ikhtilaf ahwalihim dalil an hada yani hada ladhi yuslih. C'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes situations, c'est pas les mêmes problèmes, et pourtant ils ont tous fait la même chose. Fa aladiyat al'an yaqul les temps ont changé, donc maintenant faut changer la façon. Fa huwa ma ya'rif shay, il se connaît rien. Il y a des gens qui le disent maintenant. Y a-t-il un yakula an tagayerna, on est en 2000. Tagayerna, on est à l'époque des ordinateurs. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il a à voir l'ordinateur avec le tawhid? Premièrement, la technologie, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la façon de changer l'islam? Il n'y a rien. Donc changer la prêche à l'islam. Tous les envoyés, ils sont venus à des peuples différents, à des situations différentes, des péchés différents, et des... Hein, et des, donc des époques différentes, et des fois il y a des millénaires entre les uns et les autres, et pourtant il y a quoi? Il y a la même da'wa, il y a la même prêche qui ne change pas. Comme ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Regardez la première chose, on a envoyé pour chaque communauté donc un messager afin qu'ils disent, qu'ils leur donnent adorer Allah et éviter at-tarut ma'ubida min dunillah. At-tarut ma'ubida min dunillah wa huwa yani par rapport yani wa huwa radin si dakana mathalan min hawla al-insan yani. C'est-à-dire celui qui accepte tarut, donc ça peut être aussi son nom par rapport à, même s'il accepte pas. Donc voilà. Wa shtanibu at-tarut, et éviter donc at-tarut. Wa qala ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول آيات تدل على البعث, فبعث الله عز وجل الأنبياء وهنا أرسل نفس الشيء البعث يعني إلى envoyé. Pourquoi لهذه الغاية, pour ce but justement, Il n'a pas envoyé pour autre chose. Le Okana chez Akhar, la Kutiba Akhar, la Kanaf et le Coran chez Akhar. La Qala al-Azraj, il y a chez Akhar. Si c'était pour autre chose, c'est Allah qui l'aurait dit. Mais Allah, il a dit, bien dit cela, il a mentionné cela. Donc c'est le preuve que c'est que cela. Il a dit, donc certes, nous avons envoyé avant toi, chaque prophète que nous avons envoyé avant toi, nous lui avons à chaque fois donc insufflé qu'ils disent donc nulle divinité à part moi, adorez-moi donc. Wahada bin nisbati lil majmou' rusul. C'est pour tous les envoyés. Jami' al-anbiya. Wa dhakara Allah 'azza wa jalla yani rusulan bi a'yunihim bada'u bit tawhid. Et puis Allah aussi là il a parlé de façon générale. Fa hatta an yatakallamka hatta yani bi rusul yani bi a'yunihim. Il parle donc en mentionnant précisément des envoyés Nuh, awal an-nabi, le premier des rusul, hein. Yaqul qawlihi li qawmi ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah et vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Fala yakfi shakhs yaqul ana a'rif anni rabbi Allah yaqul hakada. Idan khalas ana a'rif ma lakum min ilah ghayri. La min ilah yani alladhi yu'bad. لأن المشركين يعرفون أن الرب يعني هو الله يعرفون هذا الله هو الرب لكن يعني أشركوا يعني وحد الله في الربوبية ولكن أشركوا في الألوهية المشركين يعرفون أنه هناك un seul Dieu donc un seul créateur ils acceptent ça mais pourtant ils l'ont quoi ils l'ont associé dans l'adoration لذلك ما لكم إلا غيره يعني غيره في العبادة dans العبادة c'est là qu'il faut réfléchir. Parce que c'est là qu'on retrouve les erreurs chez les gens, chez les musulmans par rapport à l'adoration. وكذلك هود وكذلك صالح وإبراهيم وشعيب عليهم السلام كلهم يقولون أول ما يبدأون لقولهم فبدأوا هكذا عبدوا الله ما لكم من الله غيره. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Div ilah بمعنى المألوه بمعنى المعبود هذا هو المعنى الإله كما قال ابن عباس. الإله الله الإله يعني ذو الألوهية على خلقه أجمعين. C'est celui donc qui mérite d'être adoré envers toutes ses créatures. Toute sa créature doit l'adore. Donc c'est celui qui a l'adoration donc et toute sa créature donc l'adore. Hein? ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كذلك بدأ بالتوحيد كما بدأ يعني إخوانه من قبل حتى البروفيت صلى الله عليه وسلم il a fait comme ses frères les envoyer avant ça. فهكذا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة فما قالوا يعني رب ما تكلموا في الربوبية تكلموا في الألوهية. Donc ils sont étonnés que leur est venu donc ici un mundir, un avertisseur de parmi eux et qu'il dit donc les mécréants disent c'est un sorcier et un menteur, il fait de toutes ses divinités une seule divinité. Inna hada la shay'un ujab, c'est quelque chose de très étonnant hakada fa hakada fa wantalaqa al mala'u minhum an amshu wasbiru ala alihatikum inna hada la shay'un yurad. Donc partez, hein, donc les gens sont venus parmi eux, ils ont dit donc allez partez et en vérité patientez dans votre adoration envers avec vos divinités. Isbiru al-alihatikum. Les anan nabi sont yani aradan yaqul lahum hadihi al-awthan. Had hawla an-nas alladhina matu fil qubur wa hum yani ubad yu'baduna min dunillah. Wa kam min al-asnam kanu min al-atqiya. Et combien en plus pour montrer que ce que les gens font maintenant c'est la même chose, combien donc de statuettes qui ont été adorées en dehors d'Allah, l'origine sont des gens pieux, hein? Quand on voit les premiers à l'époque de Nuh, Rijal et Salihin, c'était des hommes qui étaient pieux, des Rijal, des hommes qui sont pieux. Eux, ils auront bien sûr donc leur récompense, mais une fois qu'ils sont morts, on ne va pas les adorer eux. Donc badaou hakada yaqifuna yani ils ont commencé à aller auprès de leur tombe et à se souvenir de leurs actes. Hatta ja shaitan qal sawwirhum, dessinez-les ou par dessin ou par les statues. Hatta ma tansahum, pour pas les oublier. Wala ma ja al-jil al-ba'd, quand ils sont venus les générations qui sont venues après, ma da fa'alu abaduhum dhanna anna haula ilah min dunillahi azza wa jalla. Il commence petit à petit pour égarer les gens. Il a égaré les gens de cette façon-là. Asseyez-vous à côté de vous, rappelez-vous d'eux. Mais en vérité, toi et ta vie qui est courte, profite, hein, et sois assidu et protège ce qui te sera profitable, toi, d'adorer Allah seul en réalité, donc sans associer. Donc on voit aussi, donc comme ça ils étaient, et pourtant c'était des hommes donc pieux. Qalu, yani hada bi sababi annahu qala lahum qulu la ilaha illallah. Fa qalu aj'al alihata ilahan wahida. Li'annahum fahimu la ilaha illallah. Anzuru. Ils ont dit, donc le prophète Mohammed s'est dit la ilaha illallah. Donc hum fahimu ma'na dhalika. Yani le fahm as-sahih. Ils ont bien compris ce que ça veut dire la ilaha illallah. Wa qam min an-nas al-an kam minhum la ya'rifu al-ma'na. Combien de musulmans maintenant ils ne savent pas, la preuve, ils adorent autre que lui dans, avec cette parole là il dit non, moi je dis la ilaha illallah. Mais alors pourquoi tu adores quelqu'un d'autre dans la tombe ou dans tes statues ou dans telle superstition et dans tel souci dans telle... pourquoi tu pars à autre qu'Allah Azza wa Jalla dans les adorations? Enfin, ils ont dit, enfin, ils ont compris, est-ce qu'ils vont faire de toutes ces divinités un seul dieu? Donc ils ont fait de Dieu un seul dieu. C'est une preuve que le prophète il a appelé par l'unicité, il a commencé par l'unicité. Wa baqiya sallallahu alayhi wa sallam 13 ta sanata fi Makkah qabla al-hijra yad'u an-nas ila at-tawhid. Yaqulu lahum qulu la ilaha illallah, yaqulu lahum ubudu Allah wa la tushriku bihi shay'an. 13 ans an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur parle de ça à Mecca. Wa lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman da'iyan wa mu'alliman wa qadiyan qala lahu innaka tati qawman min ahli al-kitab. أي من اليهود والنصارى لأنهم كانوا موجودين في اليمن اليهود وهم أتبع الملة اليهودية ينتصبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى هم أتبع الملة النصرانية ينتصبون إلى المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء هم أهل الكتاب إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتوحيد ثم بعدما يستجيبون للتوحيد يأمرهم بالصلاة والزكاة لأن الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بعد تحقيق التوحيد. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a commencé donc aussi avec les Juifs et les Chrétiens, hein? Donc on a vu la dawa du prophète صلى الله عليه وسلم et puis il a envoyé Mu'adh, hein, ce compagnon, cet illustre compagnon là-bas au Yémen chez des gens du livre, donc les Juifs et les Chrétiens, les Juifs qui suivent donc le livre de Moussa, Moussa al-Sotosem, ceux qui se disent donc ceux qui se réfèrent à Moussa al-Sotosem et les Chrétiens qui se réfèrent à Isa al-Sotosem. Et on a vu le hadith, donc c'est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par le tawhid, et une fois que les gens acceptent l'unicité, il leur ordonne la prière et la zakat, parce que as-salat wa zakat bidun tawhid la tasih. La prière et la zakat sans unicité, elle n'est pas valable. Elle a dit ma yaqul la ilaha illallah ولو صلى يعني تنفع صلاته؟ Est-ce que sa prière lui est valable puisqu'il a jamais dit la ilaha illallah مثلا. Donc sa prière elle lui est pas valable. On est obligé de commencer donc par les choses, par le commencement, par les bases. فهذا دليل واضح من السنة في أن بداية الدعوة تكون بالتوحيد وهذا هو منهج الرسول عليهم الصلاة والسلام الذي يجب على كل داعية أن يبدأ به وأن يركز عليه في دعوته لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه الإسلام. Donc c'est une grande preuve que la première chose qu'il faut faire c'est de commencer par l'unicité, et c'est la voie des envoyés عليهم الصلاة والسلام dont il est obligatoire en vérité pour chaque personne qui prêche à l'islam de commencer. Et يركز عليه, et en vérité il fait يركز, donc non seulement donc il insiste dessus تركيزا en vérité ليس بس يعني سريعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تسرع في ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait en 5 minutes. Et il reste بالناس الذين يفهمون الإسلام. صحت c'est la prière, quoi, c'est la prière ou pas, hein, d'accord. Donc دخلت فات الصلاة وقت خلاص ان شاء الله نكتفي الان وان شاء الله نكمل بعد الصلاة. Donc on va صلي et on va reprendre inshallah après la prière. Donc milou inshallah ba de waqt as-salat. Bismillah. Donc on continue. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc man khalafa hadha al-manhaj bada'a bi wa bada'a bi ghayr at-tawhid fa inna da'watahu mukhalifatun li da'wat ar-rusul. Donc celui qui sera en contradiction avec cette voie et commencera par autre que l'unicité, donc sa da'wa, sa prêche sera contraire à la prêche des envoyés, à la da'wa des envoyés. Fa hunaka asas, ou plutôt fa hunaka unas lam yahtammu bit-tawhid wa la bil-aqida wa inna mahtammu bi umurin janibiyya. Il y a des gens donc qui ne prêtent pas attention au tawhid ni à l'aqida, et ils prennent attention à des choses qui sont donc autres, janibiyya donc. Wa rakkazu 'alayha fi da'watihim, et ils ont prêté attention à leur façon de faire quoi dans leur da'wa. C'est pas le tawhid qui compte dans leur da'wa, c'est autre chose. Et on a des exemples, il y en a énormément. Wa bana'u 'alayha da'watahum, et leur prêche est placée sur ça. Leur da'wa c'est ça. C'est pas tawhid, c'est autre chose. Falam tantuj da'watuhum shay'a, et leur da'wa en vérité n'a pas ramené de résultat. Ma'a annahum badhalu ma badhalu, malgré les efforts qu'ils ont faits. Min al-majhudat, donc parmi tous les efforts. Min tol sinin, même avec les longues années. Wa min al-ta'bi al-kathir, aussi avec la grande fatigue. Walakin lam tajdi da'watuhum shay'a, et leur da'wa donc n'a pas en vérité donc amené quoi que ce soit. Walam tamtuj shay'a, il n'a pas été profitable, donc n'a pas en vérité porté ses fruits. لأنهم لم يبدأوا بما بدأ به الرسل, car ils n'ont pas commencé là où les envoyés ont commencé. عليهم الصلاة والسلام, ولم يقيموا الأساس أولا حتى يصح أن يقام عليه بقية الأعمال, car l'origine n'y est pas. Alors que dire du reste? Sérieux, c'est pas important pour eux. À partir du moment que Tawhid n'est pas important, donc le reste n'est pas important. Ils n'ont pas un bon jeûne, ils n'ont pas une bonne prière, ils n'ont pas tout ça. Jama'at Tablir, ils font le Hajj avec la niya du Khuruj 40 jours. Du moins 40 jours, c'est bien le nombre de jours qu'ils partent. Mais ils font la niya du Khuruj. Ils ont un Hajj ou ils n'ont pas de Hajj s'ils ont changé de niya? Innam al-a'malu bin-niyyat. Wal-'amal alladhi laysa lahu niyya fala yusamma 'amalan wa imma yusamma fi'l. L'acte qui n'a pas de niya, c'est pas un acte, c'est un fi'l, c'est un geste. Comprenez? Et eux, ils changent de niya la niya, ils ont fait le khuruj. Wallah. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Allahu alam. Mais ils existent là. Il y a des gens qui font le hajj bi niyat al khuruj. Wa'ad la yajuz. Automatiquement, demande à Allah Azza wa Jal qui leur montre la vérité, parce que c'est grave ce qu'ils font. Donc c'est un exemple. Des gens qui n'ont pas de tawhid, regarde à quoi ils vont faire. Parce que automatiquement, si t'as pas de tawhid, le côté niya, tu sais pas ce que c'est. Le côté intention pur, tu sais pas ce que c'est. Parce que l'intention pure, c'est quelque chose justement qui a à voir avec le tawhid. Subhanallah. Donc qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas à celui qui l'associe en quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de ça ou en deçà de ça à qui il veut. Le shirk, il n'est pas pardonné. Il y a un pardonnable. Sauf si c'est dans la vie d'ici-bas. Sauf si tu fais tawbah, c'est-à-dire que tu meurs dans ce shirk, bien sûr. Si tu as fait tawbah dans la vie d'ici-bas, ça n'a rien à voir. C'est une tawbah, Allah il accepte la tawbah. Allah il accepte le repentir. Mais si la personne meurt avec ses actes, là à ce moment-là, il ne sera pas pardonné. Et en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc ce qui veut dire que la personne elle sera sous la volonté d'Allah, incha'adzaba wa incha'ghafara. S'il veut donc qu'il le châtie, s'il veut le pardon. Wa dhunub, yani wa hadhihi al-aya tadullu ala anna ash-shirka a'zam adh-dhunub. Ce verset-là il montre que le shirk c'est le plus grand des péchés. Wa anna baqiyat adh-dhunub kulluha dun ash-shirk. Yani kulluha dun ash-shirk. Tout donc les péchés à part le shirk donc sont en dessous d'un. Wa min at-tabi'i annahu yabda'u bi-shay' al-khatir 'inda al-'ilaj. Et ce qui est connu, c'est que lorsque tu veux soigner, tu vas commencer par les choses qui sont dangereuses. Si quelqu'un avait plusieurs blessures, un exemple, et que il devait venir le soigner, il va commencer par la plus petite, ou il va laisser la grande, mais il va commencer par la grande. On va commencer par ce qui pourrait ramener le halak. C'est lui qui est le plus important à guérir d'abord. Vous comprenez? On va penser à soigner ça. Si quelqu'un a été poignardé et qu'à côté il y avait une épine, tu vas pas t'occuper de l'épine, tu vas t'occuper du poignard. Donc pour montrer l'exemple quoi. Donc on commence par ce qui est dangereux lorsqu'on veut guérir. Voilà, yabda'u bishay al-yasir. Et va pas commencer par les choses légères. Tu vas pas lui dire, dès qu'il commence, attention exactement, tu dois, imagine lorsque tu jeûnes, tu dois, tu vas pas lui dire ça le premier jour, lorsque tu vas rompre ton jeûne, tu vas jeûner, donc tu vas casser ton jeûne avec trois dates. C'est un exemple. Tu vas pas lui dire ça, si t'as pas de date, attention, c'est de l'eau, il faut que tu vas pas lui sortir, il va rien comprendre le pauvre, il va pas savoir de quoi tu parles. Vous comprenez? Pourtant, c'est des choses qui sont de la sunna, c'est des choses qui font de la vie du prophète, de l'islam. Mais on commence pas par ça. Tout simplement. Donc on va commencer par Tawhid. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui passent avant. Les autres, elles sont toutes importantes, les choses. Mais il y a des choses qui passent avant. On va passer donc avec des choses qui passent donc avant. Elles sont donc prioritaires. On va commencer par ce qui est dangereux, le danger. Car si tu délaisses ce danger-là, il va être en état de perdition, en perdition. C'est pour ça qu'Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa fi al-aya al-ukhra innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi al-janna wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et celui qui associe en Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa fin sera donc le feu. Et les injustes n'ont pas d'alliés, n'ont pas de secoureurs. Fal mushriku haramun alayhi al-janna. Mushrik, le janna est interdit pour lui. Bi khilaf al-asi wa sariq wa zani wa shayb al-khamr wa al-murtakib al-kabira. Contrairement aux pécheurs, donc celui qui vole, celui qui commettrait donc la fornication, celui qui boit de l'alcool et celui qui fait un grand péché, commet un grand péché. Wa hada la yahrim Allah azza wa jalla, la yahrim Allah azza wa jalla alayhi al-janna. Allah la yini. Donc, il lui interdit pas le paradis. Wa in uzziba bin nar, même s'il devrait donc être châtié par le feu. Fa inna ma ma'alahu ila al-janna. Et sa demeure, sa fin, elle sera au paradis. Il vole au paradis, bi'idhnillah. Bi'idhnillah. Wa insha'Allah ghafara lahu wa lam yu'adhibhu aslan. Et si Allah veut donc qu'il lui pardonne, il ne va jamais le châtier. Allah, il peut très bien pardonner celui qui a fait les grands péchés et pas le châtier. Parce qu'il est sous la volonté d'Allah. Là, il fait de lui ce qu'il veut. Il le châtie ou il le pardonne. وقالوا تعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وهذا هو الذنب المشرك. Donc ça c'est pour le péché du mushrik. Donc qu'Allah lui a interdit le paradis et sa demeure, sa fin est en enfer. أما بقية الذنوب فإنها لا تحرم الجنة أو لا تحرم الجنة. Donc tous les autres péchés, Allah ne lui interdit pas le paradis tant que c'est pas du shirk. بل إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته أو الله lui pardonne et lui fait entrer au paradis par sa miséricorde وإما أن يعذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة أو الله lui châtie par rapport à ses péchés puis le sort de tu veux pour entrer au paradis ولا يخرج فيها وإن دخلها. Il ne va pas rester donc éternellement en enfer même s'il y entre. فهذا يدل على خطورة الشرك. Ça c'est une preuve du danger du shirk. وإنما يبدأ بالخطر. C'est une preuve qu'il faut commencer par les choses qui sont graves, dangereuses. ويحذر من الأمور الخطيرة. Et de prévenir, et de se prévenir contre les choses qui sont quoi? Dangereuses. النبي صلى الله عليه وسلم a commencé par tawhid et là aussi prévenu le shirk. Il a commencé par ces choses-là. Il a commencé par ça, صلى الله عليه وسلم. والنصوص يعني على هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et les preuves donc sont énormes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة عظيمة c'est une grande règle. وهي البداية بالدعوة يعني والأوليات في الدعوة. Donc la règle générale, la règle énorme donc importante c'est de commencer donc dans la dawa et les choses donc parfois il faut commencer par la dawa donc les choses qui sont primordiales ou qui passent avant كما يقولون فيجب على الدعاة أن يسيروا على هذا المنهج. Donc comme le disent les doigts, donc il faut commencer dans la da'wa, hein, et de suivre, ils doivent se suivre ce manhaj, cette façon de faire. Wa an yurakkizu ala tawhid, et qu'ils prennent attention, prennent soin, et en vérité qu'ils prennent fortement soin sur, au tawhid. Wa ala tahdiri an-nas min ash-shirk al-akbar wa ashar, et de prévenir les gens contre le shirk, le grand et le petit shirk. Wa mimma yukhilu bil-aqida, et ce qui va altérer, toucher donc l'aqida, la croyance, le dogme. Thumma yattajihuna ba'da dhalika ila islah baqiyati umur ad-din, et après ils vont donc s'occuper donc d'arranger donc les autres choses de la religion, de parfaire cela. Fa innahum idha aqamu al-asas banaw 'alayhi baqiyat al-umur, une fois qu'ici en vérité ils auront placé les bases, et après bien sûr ils peuvent construire sur les bases les autres choses. Les autres choses resteront bien. Vous avez déjà vu Mathan comme Jamaat Tablir, faire attention à comment on prie. Abadan. Vous les avez vu comment on va jeûner, ça ne les intéresse pas. Vous les avez vu, la seule chose qu'il y a, c'est on sort 3 jours, on sort 10 jours, on sort autant de jours, et on fait dawa et on dit n'importe quoi, c'est pas grave. Mais après tout ce qui est ibada, on voit des dégâts. Vous avez vu Shia savoir prier, vous avez vu Shia savoir jeûner, vous les avez juste vu savoir pleurer devant les tombes de leurs saints, c'est tout. Dans le Qayyim rahimahullah, il mentionne, il dit quand tu les vois dans la mosquée, même les rangs ne sont pas faits, il n'y a rien qui est fait, même pas les rangs, n'importe comment, ils prient n'importe comment. Mais quand tu les vois dans les tombes, tu les vois là bien concentrés, le khushu', alors que le khushu', la concentration, les pleurs et les soucis, normalement ça aurait dû être où, dans la mosquée ou bien dans les tombes comme ça, parce qu'ils pleurent leur mort, c'est tout. Et pour eux l'adoration elle est dans le cimetière plus que dans les mosquées, vous comprenez. Donc vous voyez comment en vérité les gens ils font n'importe quoi, ça c'est des preuves. On a encore bien sûr plein d'exemples. Combien ici dit même, hein, d'ici parmi les frères musulmans, ils prennent un poste. En général, quand on essaie de cumuler des postes, on cumule automatiquement donc les salaires. On se tape une villa, on s'achète une villa en général loin de tout le monde, on va vivre au milieu des snobs. Et voilà, alors, une fois que tu habites à 30 km de la mosquée, 15, 20 km, quand est-ce que tu vas à la mosquée? Tu même les imams, ils viennent rares. C'est responsable de la mosquée, imam de la mosquée, des grands responsables, j'en connais qui passent à la télé, et pourtant, c'est ça, en mosquée, il est là quand il veut. C'est l'imam. Et là, ça se passe qu'après, c'est qui? Ben, c'est les jeunes qui sont souvent à la mosquée, c'est eux qui, ceux du quartier qui font l'imam. Ou une personne âgée ou quoi. Et ils sont là quand ils veulent. L'imam de la mosquée. Il a son salaire, et pourtant, il est là une fois tous les. Des fois pendant plusieurs jours ils sont pas là. Pourquoi? Parce que c'est Mabanaou. Alors l'aqida, si c'était ça, alors qu'Allah leur a donné l'opportunité de ça, regardez. Alors il donne à des gens l'opportunité d'avoir des mosquées, l'opportunité d'avoir des marakez, des ceci, des cela, et pourtant ils n'appellent pas l'islam comme il faut. Ils n'appellent pas la religion d'Allah Azza wa Jal, comme l'ont fait les envoyés d'Allah. Alayhim salatu wassalam. Et ça c'est important. Donc justement par rapport à. Quand on parle donc, par rapport à l'aqida. Et l'aqida, alhamdulillah, les ulama, ils ont parlé beaucoup de ces livres-là. Ils ont parlé en vérité donc beaucoup de ces livres-là. Et beaucoup de ulama, ils ont mentionné comment on va, de quoi et par quoi il faut commencer lorsque tu commences avec les livres. Donc, Cheikh Mohamed Aman, alhamdulillah, il parle. Il mentionne, alhamdulillah, alayhi, comment en vérité, de quel livre prendre, par quoi commencer la da'wah, par quoi commencer donc, l'enseignement et la da'wah. Et ça, c'est une erreur de beaucoup d'entre nous en général. De ceux qui font dawa, on ne respecte pas en vérité ce que les ulama nous ont montré. De commencer par les trois bases de leur évidence, l'enseigner aux gens, de commencer par al-lumat al-i'tiqad, des choses comme ça, al-qawaid arba, hein, de commencer par ces choses-là, qui t'aiment tawhid après. Ou si tu vas parler d'asma wa sifat, tu vas prendre donc le wasatiya. Donc il y a des livres de Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc si on respecte à ces règles, comment on va réussir? Comment réellement on va réussir alors que les ulama nous l'ont dit et nous, on a tendance des fois à passer à côté. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est la même chose dans le fiqh. Il y a des bêtes, il y a des bons livres, donc il y a qui sont en général les petits livres, et ainsi de suite. Même chose pour dans le hadith. La même chose dans le hadith. Et on voit bien que ces matières-là, si elles sont délaissées, c'est grave. C'est pour celui qui la sunna du consensus. Donc déjà, c'est un nasiha à moi-même et à tous ceux qui font da'wa à kul hal, de commencer par ça, de commencer par le tawhid. Et de faire ces petits livres-là, normalement, ils doivent être terminés. Et ça, on aurait dû déjà emballer. Parce qu'en tant que fait d'avant, on devrait terminer donc le ma'at al-i'tiqad, le qawad arba, donc le hein, le wasit, je veux dire le thalathat al-usul, l'usul après tu fais kitab tawhid. Alhamdulillah, les shurouh, il y en a plein, les explications, c'est pas ça qui manque. On en a et on en a. On peut même faire un jam, on peut des fois même rassembler peut-être plusieurs shurouh. Il y a ce qu'il faut, les ulama, ils ont parlé. Il n'y a pas un alim qui a parlé, il y en a je ne sais pas combien. Il y en a énormément. Dans le fiqh, on a aussi la même chose, des petits moutons. Donc, comme Menhaj al-Qasidin et autres. Toujours comme ça. Le hadith, le karat hadith nawawi, l'akhiri. Si on ne fait pas ça réellement, comment on va éduquer les gens? Comment en vérité on va éduquer les gens? Alors, parler que de mathan, de choses, même si des fois c'est bien, c'est des bons sujets, mais des fois on a tendance à ne pas éduquer les gens, dans le sens où on va leur parler, qu'on va pas leur faire réellement des livres. Et ça, c'est une erreur que l'on fait. C'est si on prend pas des petits livres comme ça et qu'on les termine complètement. C'est ça l'ilm. Alors on va parler un jour maintenant de l'obéissance aux parents. Demain on va parler du Messah Dajjal. Après demain on va parler de ceci. Vous comprenez? Ça c'est des mawa'id. Ça tu peux le faire une fois par semaine comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le reste c'est des dourous. Ça fait l'ilm, il vient comme ça. Alors là tu dis ça fait 5 ans que je m'assis, j'ai l'impression que j'ai rien appris. C'est normal, t'es que dans les mawa'id. T'es que dans, en vérité, dans quoi? Dans les exhortations. Un jour le paradis, l'autre jour l'enfer. Hein? L'autre jour peut-être c'est le haud. Avec des traits du jour dernier. Ça, c'est bien, c'est des choses qui font quand même. Qui seront profitables, c'est clair. Mais ce n'est pas le vrai ilm. Dans le sens, ce n'est pas le ilm qui est demandé au départ. L'ilm qui est demandé au départ, c'est justement donc, ce qui est halal et ce qui est haram. Dans tous les domaines. Et on commence par le tawhid. Le halal et le haram, ce n'est pas juste ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger, ce que je peux acheter, ce que je ne peux pas acheter, comment je me marie, comment je divorce. Ce n'est pas ça. C'est aussi comment j'adore Allah et ce que je ne peux pas faire dans l'adoration. Donc c'est le haram dans le tawhid d'abord. Donc barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.